Welcome, bienvenue à bord, c'est la Croisière Folk, votre émission folk qui vous permet de découvrir toutes les facettes de la musique folk. On fait ça sous forme d'un voyage, c'est-à-dire que eh bien, vous allez découvrir du folk qui vient d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, comme on le fait toutes les deux semaines, eh bien, vous allez découvrir le folk au féminin, une programmation 100% féminine. On a commencé avec Kim Obday, avec la chanson Cobwebs on the Grass. Alors, elle s'est découvert une passion pour la musique lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, lorsqu'un ami de la famille a laissé une guitare chez elle en l'invitant à s'y essayer. Alors, elle a commencé à fréquenter les sessions folk locales lorsqu'elle s'est installée dans la région de Oxford en Angleterre. Elle a développé son style et sa sensibilité musicale alors. Alors, elle joue en duo, mais en fait, dans cette chanson, Cobwebs on the Grass, eh bien, elle est toute seule. Elle est en single. Et cette chanson, c'est une ode à sa saison préférée, c'est-à-dire l'automne. Si vous voulez la voir sur Facebook, eh bien, Kim Hop Day. Et après, donc ça, c'est ce qu'on vient d'écouter. Et après sera Sarah Salverius. Elle est accompagnée d'un quatuor à cordes qui s'appelle Sun Sun Sun. Et Sarah Salverius, avec ce quatuor, eh bien, ils ont remporté le Flanders Folk Award 2025 du meilleur groupe de musique en direct. Alors, c'est une accordéoniste, hein, je vous en dis deux mots de Sarah Salverius, une accordéoniste qui explore le mouvement et la tranquillité au bout de chaque note. Elle tente de capturer l'imprévisible de sa vie. Donc, pour cet album Pendulum, on écoutera la plage titulaire. Elle s'associe donc avec ce quatuor à cordes de Sun, Sun, Sun. Et si je ne m'abuse, elle vient de la région de Gand, Sarah Salverius. Ensuite, il y aura Amanda Cook avec Ready for a Bluer Sky et Anna Stuckey avec Solitude. Bienvenue à bord. Si vous avez envie de nous envoyer un mail, lacroisièrefolk@yahoo.com. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir, j'ai oublié de vous le dire, mais on a posté la vidéo de Kim Hop Day que vous venez d'écouter. Donc, en début d'émission, elle est là. Et vous pouvez aller la voir sur notre page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Et n'oubliez pas bien sûr de liker notre page. Bienvenue à bord, c'est La Croisière Folk dans vos oreilles. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Cette semaine, La Croisière Folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin.

it with an unfamiliar sound. Trees are still growing, but will never grow at all. Instant, vous venez d'écouter Alain Stöcki avec Solitude dans la croisière folk. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. Et aujourd'hui, c'est un trio que je vous invite à découvrir. Ce sont The Baltic Sisters. Leur premier album s'appelle Varav, Varti, Vartai. C'est le même mot dans les trois langues de ces pays baltes. Alors, il faut savoir que c'est un quatuor musical, vocal, qui réunit des chanteuses d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie. Ils se sont formés après une rencontre au Womex 2022 à Lisbonne. Passionnées par les chants traditionnels baltes, elles interprètent notamment ce qu'on appelle des surtartines lituaniennes et autres polyphonies orchestrales et ancestrales surtout. Ce premier album, donc Varav, Varti, Varta, qui veut dire la porte, est sorti en janvier, il y a quelques jours, sous le label CPL Music. Elles y entremettent chants traditionnels et harmonies contemporaines, notamment avec le chœur espagnol Muom. Composé de Marion Selgal, Lorita, Vineta et Liene, elles allient respect des traditions et créativité. Depuis 2023, elles tournent dans les grands festivals folk européens et animent des masterclass sur le chant polyphonique balte. Leur démarche, eh bien, vise à raviver et à partager, bien sûr, un patrimoine vocal riche, témoin de l'histoire et de l'identité des peuples baltes. Et nous, c'est ce qu'on fait, on partage cela. Vous allez écouter trois morceaux des Baltic Sisters, donc de cet album Varav, Varti, Vartai. Il y aura trois morceaux en lituanien. Treputė Martela, c'est le troisième Martela. Daikas Padunda, donc que se passe-t-il? Et le troisième, je ne vais pas le prononcer, mais c'est J'ai eu juillet. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr de la traduction. Donc, voici les Baltic Sisters pour votre plaisir. N'hésitez pas à acquérir l'album. Donc, Varav, Varti, Varta, c'est la porte, une porte vers un voyage magique et mystérieux dans ces pays baltes que vous n'hésiterez pas à visiter. Donc, pays baltes qui se composent de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Et si vous voulez en savoir plus sur ce trio, eh bien, vous allez sur notre page Facebook, vous verrez, il y a un petit lien vers un article que j'ai écrit et l'article, vous pouvez le lire tout à fait gratuitement. 1, 2, 3, lancez la musique. La puta mare de la linea lucea. La puta mare de la martina lucea. La puta mare de la martina lucea. La puta mare de la martina lucea. такія, тряпотаря, мотрела, мотря. Ah, Dans les pays baltes que nous avons voyagé avec le premier album des Baltic Sisters sorti il y a quelques jours, Varav Varti Vartai, donc le titre qui veut dire la porte dans les trois langues de ces pays baltes, hein, Lettonie, Estonie et Lituanie. Et on écoutait donc la troisième Martella, Que se passe-t-il ? Et j'ai eu juillet. Alors n'hésitez pas, bien sûr, elles ont une page Facebook, hein, The Baltic Sisters. N'hésitez pas à les encourager, à liker la page et à leur faire un petit coucou. Allez, la porte poésie maintenant. Émile Verhaeren, vous m'avez dit, un poème qui sera lu par Marie Belle. Alors, c'est un poème qui est extrait de son recueil « Les heures d'après-midi », paru en 1905. Ça appartient à une période où Émile Verhaeren explore l'amour avec une grande sensibilité. Il y exprime une déclaration d'amour intime et profonde, où les mots échangés avec l'être aimé résonnent comme un engagement et une promesse. Le poème évoque la force du lien amoureux, la beauté et la complicité entre deux êtres et l'écho des paroles qui continuent à vibrer dans l'âme du poète. Il joue sur la musicalité des mots et le rythme pour transmettre une émotion douce et envoûtante. Fidèle à son style symboliste, ce texte est souvent cité comme un bel exemple de la poésie amoureuse où Émile Verhaeren parvient à exprimer la profondeur du sentiment sans grandiloquence, avec une simplicité touchante et universelle. Et puis juste après, Becky Buller, She Loved Sunflower, Taylor Mitchell, Love and Maple Syrup, de l'amour et du sirop d'érable, ça doit coller quand même. Et Alison Pierce avec Sea of Love. Tout de suite, voici Émile Verhaeren, Vous m'avez dit. Vous m'avez dit tel soir des paroles si belles que sans doute les fleurs qui se penchaient vers nous soudain nous ont aimés. Et que l'une d'entre elles, pour nous toucher tous deux, tomba sur nos genoux. Vous me parliez des temps prochains où nos années, comme des fruits trop mûrs, se laisseraient cueillir. Comment éclaterait le glas des destinées et comment on s'aimerait en se sentant vieillir. Votre voix m'enlaçait comme une chair étreinte et votre cœur brûlait si tranquillement beau qu'en ce moment, j'aurais pu voir s'ouvrir sans crainte les tortueux chemins qui vont vers le tombeau. La croisière folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. I tried to spoil that girl, she was our delight. But somehow, baby sister turned out all right. She had the sweetest spirit, always laughing eyes, and a smile so bright, it should come as no surprise that she loves sunflowers. She loves sunflowers. She loves sunflowers that grew around our home. Unexpectedly, though our hearts were broken, I guess the good Lord had the need for another angel to tend his garden there, sowing sunflowers as she offers him her joyful prayers. Cause she loves sunflowers, she loves sunflowers, she loves sunflowers that grew around our home. Sunflowers in my front yard are a precious gift. They tell me I am loved, I'm where I should be. And that God and my sister are smiling down on me. Cause she loves sunflowers, she loves sunflowers, she loves sunflowers that grew around our home. She loves sunflowers. Home.

écouter de la musique. Parmi les nombreux bienfaits de la musique sur l'esprit, eh bien vous connaissez sûrement ses vertus anti-stress. Eh bien sachez aussi qu'elle améliore les capacités de concentration. Mieux, plus son rythme sera rapide, plus votre cerveau sera sollicité à vous de choisir. Et moi, je vous choisis d'avance la croisière folk. C'est très bon pour... c'est bon pour tout, la croisière folk. Hein. Ça vous fait du bien, ça vous fait voyager, ça vous fait rêver. Et puis, vous pouvez les réécouter, les émissions, sur la plateforme Hear10. Vous tapez donc Hear10, la croisière folk, et vous pourrez réécouter autant de fois que vous voulez les anciennes émissions. Tout de suite, Aude Henneville, On m'avait dit. Extrait de l'album Passer l'hiver, album de 2017. Christina Pato à Gaïta de Melchor. Clarisse Lavanant également avec La ville que j'ai tant aimée. C'est extrait d'un superbe album de Kérouz à Ouessant. Elle est bretonne. Et vraiment, si vous n'avez pas encore, si vous ne vous êtes pas encore intéressé à tout ce qui est breton, eh bien, vous n'hésiterez pas à chercher sur Google les artistes bretons et à les découvrir. Croyez-moi, ce sera une merveilleuse découverte pour vous parce que ce sont des artistes à la fois talentueux et cette musique qui est entraînante et qui est pleine de tradition. Allez-y, explorez la Bretagne. Je pense que vous ne le regretterez pas. J'suis vraiment pas en état ce soir. J'ai mis de côté ma guitare, mes accords bizarres. C'est un vrai cauchemar. Je sais que les copains c'est fait pour ça, pour chialer dans leurs bras, mais ça ne suffit pas. Je me suis perdu là. On m'avait dit, t'accroches pas trop à lui, puis il est parti. L'amour aussi, on m'avait dit, t'accroches pas trop à lui, puis il est parti. L'amour aussi. Chaque jour qui passe, je me refais l'histoire, accoudé au comptoir, c'était des bobards, j'ai rien voulu voir. Puis ma vie a pris un autre tournant. C'est l'hiver tout le temps. C'est l'hiver tout le temps. On m'avait dit, t'accroches pas trop à lui, puis il est parti. L'amour aussi. On m'avait dit, t'accroches pas trop à lui, puis il est parti. L'amour aussi. Les contes de fées n'existent que dans les livres. Pour autant, faut pas s'arrêter, non. De vivre, de vivre, de vivre. On m'avait dit, t'accroches pas trop à lui, puis il est parti. L'amour aussi, on m'avait dit. T'accroches pas trop à lui, puis il est parti. Et l'amour aussi, on m'avait dit. T'accroches pas trop à lui, puis il est parti. L'amour aussi, on m'avait dit, t'accroches pas trop à lui, puis il est parti. L'amour aussi. Thank you. plongée sans complexe dans l'univers enchanteur des artistes féminines de la scène folk. Je vous aime. Elle est née d'une ferme tout en haut d'un rocher. Cette ville que j'ai tant aimé. Dû la voir à l'hiver, de l'église à l'été. Les siècles s'enchaînaient aux années. Ils avaient les moissons pour vacances l'été. Et les femmes saignaient sur le lin déroué. Et la pluie tombait blanche sur les toits ardoisés de la ville que j'ai tant aimée. On y venait de Nantes les dimanches d'été avant qu'elle ne soit grande. Quand notre siècle est né, chemise et robe blanche, les jardins ouvriers fleurissaient sous des ciels de pommiers. C'est la fin de l'enfance et nous avons dansé dans l'école. Le soleil a brillé sur les toits ardoisés de la ville que j'ai tant aimée. Et les filles riaient et les hommes buvaient. La ville était adulte. Et les arbres chantaient. Et puis une aube grise un matin s'est levée. L'herbe rouillée, l'aubier est gelé. Ils ont tout brisé, balayé. Et la pluie tombe noire sur les toits ardoisés dans la ville que j'ai tant aimée. J'y ai vu un gamin en costume arlequin peindre un arbre bleuté dans un étang gelé. Nous avons su apprendre aux enfants à rêver dans la ville qu'ils ont tant aimée. Hey you! Ça y est, c'est fini. En colis à l'instant avec Pina Colada. Et c'est très chouette, c'est de la musique qui fait du bien. C'est leur but en fait hein, de ce duo en colis. Duo qui nous vient d'Acadie, c'est de faire de la musique qui vous fait du bien. Et voilà, et bien c'est ici que l'on se dit au revoir. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir accompagnés dans cette croisière musicale qui vous a fait découvrir un album bien sûr. Je rappelle celui des Baltic Sisters qui s'appelle Varav Vartivarai. Donc c'est le même mot, donc la porte, mais dans les trois langues de ces pays baltes, autrement dit la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. N'hésitez pas là aussi à vous informer sur ces pays pour apprendre des choses et qui sait peut-être un jour aller voyager et partir en vacances. Allez, on se quitte avec le renard et la belette, le trio belge Laïs. Merci de votre fidélité. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. Le silence est le plus beau bijou d'une femme.